À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le corps diplomatique en Corée a fait parvenir une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. L'ambassadeur palestinien Ismail Ahmad Mohammad Hassan, doyen du corps diplomatique, les a transmises le 6 courant à Lee Yong-ho, ministre coréen des Affaires étrangères.